Vous écoutez la DW, c'est Pulsation, le magazine Jeune et Culture. Augustin Dikourio est burundais. Il a travaillé pendant 4 ans à l'hôtel club du lac Tanganyika à Bujumbura. Une période qui lui a permis de se familiariser avec les touristes et de s'apercevoir qu'au Burundi, il n'y avait que l'hôtellerie pour attirer la clientèle étrangère. Cela lui a donné l'idée de se lancer dans le secteur des agences de voyage. Aujourd'hui, il vit à Lunebourg, en Allemagne, où il a monté sa boîte. Pourquoi avoir choisi l'Allemagne ? Pourquoi le tourisme peut être salvateur pour la jeunesse africaine ? Des réponses que nous livre Augustin Dikourio, notre invité aujourd'hui. L'Allemagne, c'est une puissance économique de l'Union européenne et c'est un pays aussi important pour le tourisme. Sur les deux dernières années, selon un rapport de l'ITB, le Salon international du tourisme de Berlin, l'Allemagne a connu 4% d'accroissement du chiffre des Allemands qui voyagent en dehors de l'Allemagne. Et le choix aussi de l'Allemagne n'a pas été fruit du hasard, parce que les Allemands font partie aussi des touristes qui voyagent sur l'Afrique de l'Est. D'accord. Notamment la Tanzanie, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi. Voilà. Et ce sont les destinations aussi que vous proposez? Exactement. On organise des voyages de loisirs ou tout simplement des voyages d'affaires. Ceci dit, les agences de tourisme qui proposent des safaris ou des voyages dans la nature africaine, il y en a d'autres. Mais vous avez aussi une philosophie derrière tout ça qui est un peu spécifique. Oui, le tourisme comme moyen d'échange entre l'Afrique et le monde, un échange socio-économique. Vous savez, Yann, le tourisme en Afrique octroie 21 millions d'emplois sur toute l'Afrique, soit 8% du PIB. Et dans certains pays, par exemple comme les îles Seychelles, le tourisme représente plus de 60% du PIB. Et si vous regardez aussi en Afrique, la plupart des gens qui travaillent dans le domaine touristique, ce sont les jeunes. Et vous savez bien que les jeunes en Afrique sont plus de 50% d'un continent jeune. Et moi, étant jeune, le développement du tourisme peut être un moyen pour moi de contribuer au développement personnel de la jeunesse africaine. Et je suis jeune et je dois faire quelque chose pour les jeunes. Voilà. Augustin Dikourio, vous m'avez dit à 3 reprises que vous étiez jeune, donc maintenant il faut que vous me donniez votre âge. Être jeune, c'est relatif, mais je me considère toujours jeune. J'ai 34 ans. Voilà. 34 ans, c'est jeune, ça fait encore partie de la jeunesse, ça c'est à n'en pas douter. La vie en Allemagne, c'est aussi lié à certains problèmes ou à une certaine qualité de vie ou comment ça se passe? J'ai pas mal de contacts avec les Allemands, et d'ailleurs, pas seulement les Allemands, je parle 5 langues, je parle l'allemand, le français, l'anglais et le swahili. Le swahili, si je rencontre bien sûr les gens qui viennent de l'Afrique de l'Est. Oui. Eh bien, ma vie ici en Allemagne, c'est une vie d'entrepreneur. J'apprends chaque jour et je me réjouis de l'apprentissage que j'obtiens. Bien que je sois passé, je sais pas, 8 ans dans le domaine du tourisme, je considère toujours que j'ai toujours quelque chose à apprendre. Et j'apprends de tout le monde, j'apprends chaque jour. Je dirais pas que c'est une vie d'aventure, mais j'ai toujours considéré que la vie, c'est une aventure. Belle philosophie. Dites-moi, dans votre vie d'entrepreneur, qu'est-ce que vous appréciez particulièrement en Allemagne? Quelles sont les qualités des Allemands? Ce sont des bosseurs, ce sont des travailleurs. Et si vous êtes entrepreneur, si vous avez une vision, eh bien, vous vous dites, oh, voilà, je suis dans un domaine qui cadre avec mes objectifs. Pour moi, je suis dans une place où je devrais être comme entrepreneur. Dites-moi, Augustin Dikourio, vous êtes donc, on l'a suffisamment dit, entrepreneur ici, vous apprenez encore, me disiez-vous. Quels sont vos projets ou les rêves que vous aimeriez réaliser dans le domaine du tourisme? J'aimerais bien que le tourisme soit un domaine qui donne de l'emploi aux jeunes, surtout en Afrique. Et dans cette rubrique, j'aimerais bien effectivement qu'on puisse avoir des jeunes et différentes organisations, que ce soit gouvernementales, que ce soit des ONG qui vraiment comprennent l'importance du tourisme. Et si tout le monde s'y met, je suis sûr que le tourisme pourra faire que la jeunesse se développe, puisse trouver du travail. La plupart des problèmes que la jeunesse a en Afrique, c'est la difficulté d'avoir du travail. Et vous savez, là où il n'y a pas de travail, il peut y avoir tout ce qui est mauvais. Hein. Mais dites-moi, puisque vous parlez justement des problèmes de chômage des jeunes très importants en Afrique, dans son ensemble, dans l'ensemble du continent, le fait qu'il y ait quand même pas mal de régions en Afrique où il y a une instabilité socio-politique, est-ce que ce n'est pas justement pénalisant pour le secteur dans lequel vous êtes actif, celui du tourisme? L'Afrique, c'est un continent de 54 pays. Mais des fois, on a tendance à faire un continent dans ce pays. Par exemple, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y avait un problème d'Ebola. On parlait un peu partout, comme si l'Ebola était sur les 54 pays. Je dois dire que beaucoup de pays ont été pénalisés, effectivement, par cette idée de confondre l'Afrique à un pays. L'Ebola, effectivement, il y avait un problème d'Ebola sur l'Afrique de l'Ouest, notamment sur la Sierra Leone, ou une petite partie du Congo, qui est un grand pays. Mais par contre, la Tanzanie a été pénalisée. Le Kenya a été pénalisé. À ce que je sache, il n'y a pas eu de cas d'Ebola sur le Kenya ou la Tanzanie. Eh bien, cette idée de pénaliser le tourisme sur base des conflits politiques qui sont sur un pays africain, eh bien, ce n'est pas juste. Parce que l'Afrique, c'est un continent. Donc s'il y a un problème, effectivement, politique, s'il y a un problème, ce n'est pas un problème de guerre sur un seul pays, ce n'est pas toute l'Afrique. Donc, en Afrique, il y a des pays sûrs, il y a des pays qui sont prêts à recevoir et qui d'ailleurs le font correctement, qui sont prêts à recevoir des touristes, que ce soit infrastructure, que ce soit sécurité, que ce soit conditions d'hygiène et d'ailleurs, qui des fois font partie des questions que l'on reçoit, des touristes. En peu de mots, je dois dire, l'Afrique est prête pour le tourisme. Et Augustin Tours le montre avec son activité. Augustin Dicourio, fondateur et directeur de cette société. Merci Augustin d'avoir répondu à nos questions et bon vent à Augustin Tours. Je vous remercie Yann, c'était un plaisir. Coup de projecteur. Noël Ndiama Makanda, plus connu sous le nom de Sen Verason, est un chanteur, auteur-compositeur, producteur congolais, né le 25 décembre 1965 à Kikwit, en République démocratique du Congo. Il est dirigeant du groupe Wenge Musica Maison Mère et il est un des artistes les plus populaires en RDC et sur le continent africain depuis plusieurs années. Et c'est donc son anniversaire aujourd'hui. Il est principalement connu pour être une des figures emblématiques du groupe Wenge Musica, qui a donné le nom de Ndombolo à la musique congolaise et qui a fait danser l'Afrique et sa diaspora durant les années 90 avec J.B. Mpiana. Ses compositions Mulolo et Kin E Bougé, partagées avec Mpiana et surtout Kalaim Boeing, que nous entendons en arrière-fond, feront partie des chansons les plus connues de l'orchestre. Wenge finira par se disloquer le 7 décembre 1997, dû aux rancœurs nées entre